Bonjour madame, c'est pour un sondage sur les loisirs des Français. Vous avez 2 minutes? Oui. Merci. Alors, regardez le sondage. Qu'est-ce que vous aimez? J'adore faire la cuisine, j'aime beaucoup nager et j'aime bien les animaux. Mais je n'aime pas regarder la télé. Vous aimez regarder des films? J'aime bien, mais je déteste les films violents.